R, on entend la lettre R. C'est une lettre de plein air, le R. C'est une lettre de plein air, le R. Dans l'air et dans la lumière, on entend la lettre R. Dans rivière et dans désert, on entend la lettre R. C'est une lettre pleine d'air, le R. Une lettre pleine d'air.